Apo beltzak, sagarroiak, itxasegaztiak, azeriak, jonen urtean, 2006 basa animalia hartatu ditu ustaritzeko zentroak, abereen kopurua eta gastuen emendaketa jasangaitza bilakatzen ari da egalaldiaren zat. Astean 7 egunez, idekialdira eta 6 langile dituzte, 40.000 euro horiek gabe autuak egin beharko dituztela errandigu Stefan Mori egalaldiako arduradunak. Soit on réduit l'équipe en licenciant du personnel, ou c'est de réduire certaines catégories d'animaux, quoi. Donc s'axer vraiment sur des espèces très protégées pour pas être submergé et dépenser moins d'argent malheureusement. Elkartea tokiko instituzioengandik dirustatua da gehienik, departamentua, elkargoa, eiztarien federazioa, enpresak eta herriko etxak besteak beste. Baina Frantziako ingurumenaren ministeritzaren gandik sustengua eskasia dela salatzen dute. C'est 3000 euros qui est donné par le ministère de l'Environnement par an. Il y a des grandes discussions, il faut préserver la nature et tout ça. On voit le niveau de nos sociétés à l'heure actuelle au niveau politique. Hein. On a un ministère de l'Environnement qui est fantôme depuis bien longtemps. Egalaldiak egazti espezie babestuak hartatzen ditu, baina ez bakarrik egunean 41 dei jasotzen ditu ere partikularen gandik edo zein animalia mota sendatzeko. Egalaldia laguntzeko Eloazo webgunera jotzen alduzue.